le programme que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Good evening. Est-ce qu'il va pleuvoir, tu penses, ou non? Je crois pas. Assez. Well, not assez. We've had enough of this rain, right? Peut-être c'est bien parce qu'il y a des champignons, les morilles qui poussent, les morels poussent growing out of the ground. Tu les connais, moi, je n'ose pas parce qu'il faut s'y connaître, hein? Un peu, ouais. Et tu vas dans les forêts? Des fois. En chercher? Je sais où ils sont. Bravo. Des fois. Sometimes, but you need to know where the mushrooms are, but I will never tell. Because there's only so much for so many people. Should we have some music? Let's start out the evening. My dad, hopefully, is listening from up north in the Great, or what do you call it? Brainerd Lakes area, sort of, north of, in Aiken. And I thought I would play a little bit of French rock and roll to get this evening started. So here we go with something classic, and it's Dave from, isn't he Belgium? Qui ça? Dave. Je ne peux pas te dire. Je pense. J'ai entendu, mais je connais pas. Let's go ahead. Qu'est-ce qu'il va chanter? Vanina. Here we go. Comme dans un film noir, jeune couple embarqué dans une sale histoire. Marginaux blessés en cavale, changeant chaque soir de telle identité, évitant les bars, être traqué une seule. C'est fini, oh, oh, oh, oh, ça me rend fou. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au cri de l'ennui, et je te crie, oh, oh, oh, oh. Je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Et voilà, on a entendu trois chansons plus ou moins rock. Et d'abord, c'était Dave qui vous a chanté Vanina. Ensuite, Eddie Mitchell, Rio Grande. Et Johnny Hallyday a chanté la troisième chanson, Noir, c'est noir. Et plusieurs de ces chansons, ou peut-être toutes les trois, étaient américaines. D'origine. Aussi. Oui. Et Olaf, tu veux les lire en français? Ah bon, bon, bon. Ou en anglais. En anglais, en anglais. Oui, voilà. Bien sûr. OK, so you heard Dave and Vanina, a song that has American bass? Or yeah, My Little Runaway. My Runaway. And then Eddie Mitchell, Rio Grande, and he sings about how he is going to freedom by crossing the border. And so then we all know what border that, what he's singing about. Then Johnny Hallyday, Noir c'est noir. Again, this is one from his younger days. And this one is is actually very powerful and very, very, very nice, different from his very late works that are kind of more nya-nya. So. Yeah. Well, he was really the Elvis Presley of France during the late 50s, early 60s. So this is my favorite song by him. And je crois qu'il chante encore. Oh, yeah. That's what it's... Still sells out shows. Oh, yes, such he does. A following. Ouais. Mm. So anyway, c'était pour mon papa qui écoute ce soir de, au nord de Minnesota. Thanks, Dad, for listening. So we have, let's take a little detour to Paris. Caril? Oui, d'accord. What do we have? C'est Charles Trenet avec une classique, Je chante. Ah. Et ça va être suivi par Trenet qui chante aussi Il y a de la joie. Alors, Charles Trenet, c'était écrivain, auteur, compositeur et artiste. Un talent formidable qui n'est plus vivant, mais alors il était un des meilleurs musiciens de la chanson française. Est-ce qu'on peut écouter l'ami Suzanne qui parle juste avant? L'interview avec... Il y en a deux, je crois. Il devait y en avoir deux. Mm-hmm. C'était des interviews que j'ai faites avec de très bons amis, septembre passé, Philippe et Suzanne. Alors, Philippe a parlé de sa carrière et Suzanne, je crois qu'elle était un peu pressée pour faire le dîner et sortir. Donc, on va écouter ces deux-là. D'accord. On va séparément. On y va. Ce soir, nous allons parler avec Suzanne Di Maria. Et Suzanne et moi sont des amis depuis longtemps, tant d'années. Aujourd'hui, elle va vous en parler de ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que toi, tu as préparé comme dîner? Alors aujourd'hui, c'était assez simple. J'ai fait une macédoine de légumes. Après, nous avons mangé un poulet rôti avec des haricots verts. Et puis après, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé un petit peu de fromage à français, naturellement. En France, on mange du fromage. Hein. Je me corrige, voilà. C'était le déjeuner. Le repas de midi, entre midi et deux heures. Ben c'est ça. Oui. Voilà. On a mangé donc, ça, après du fromage. Après, on a pris un bon café. Et voilà, maintenant, on s'apprête à aller visiter un des coins de Paris les plus intéressants, qui commence à Saint-Paul. C'est-à-dire, on va aller voir des coins du Moyen-Âge. Il y a encore des vestiges dans Paris, une ancienne porte, l'hôtel de Sens qui a plus de 500 ans. Enfin bref, le plus ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un temps qui n'est pas très agréable pour visiter. Nous avons un vent et très, très grand vent. Mais enfin, on va quand même se promener. Et quand même, il n'y a pas de pluie. Espérons. Parce qu'en ce moment, c'est la pluie et le beau temps. Ça n'arrête pas de changer dans les 5 minutes. Alors, Suzanne a un chat. Parle-nous-en un peu. Eh bien, mon garçon s'appelle Charlie. Il a 10 ans. Je l'ai eu, il avait 5 semaines. Et c'est mon petit compagnon, comme je suis toute seule. Et voilà. C'est lui qui commande à la maison. C'est l'homme de la maison. Voilà. Je dois dire que le déjeuner était formidable, comme toujours. Moi, j'adore ça. Mais en Amérique, on mange le repas principal, c'est le soir. C'est un peu différent. C'est différent, oui. Ouais. Nous, ici, le soir, c'est très léger. Hein. Bon, souvent, un bouillon, une soupe, un petit reste, des fois, qui reste du midi. Petit peu de fromage ou un yaourt, c'est tout. Hein. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps de digérer. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chose manger léger le soir. Ça, c'est vrai. Allez, en route, on y va? En route, nous partons. Alors, nous allons prendre 2 autobus sous un beau petit soleil, un beau petit rayon de soleil. Ah, bravo. Au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois, un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour prophétique et pathétique. Mais ni le montant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille chez sa dinette au bistrot, la biblette, lisse et journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où ça que demain partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant. Ce soir, nous allons parler avec Suzanne Di Maria. Et Suzanne et moi sont des amis depuis longtemps, tant d'années. Aujourd'hui, elle va vous en parler de ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que toi, tu as préparé comme dîner? Alors aujourd'hui, c'était assez simple. J'ai fait une macédoine de légumes. Après, nous avons mangé un poulet rôti avec des haricots verts. Et puis après, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé un petit peu de fromage à français, naturellement. En France, on mange du fromage, hein. Je me corrige, voilà. C'était le... Go ahead. Well, that song was Mini Montant, and that followed the short interview with my very good friend, Suzanne Di Maria. I spoke to her and visited her quite a while last September. And very cold and windy. She told, what we'd had for dinner. She's a wonderful cook. We had roast chicken and what all did she say? Macédoine de légumes. Yeah. Oh, that's right. That's one of my favorites. When she does the macédoine de légumes, is it with carrots and peas and lima beans? Oh, yes, mixed vegetables and... Is there mayonnaise? With a mayonnaise, in it? Yes. Yeah. Well, carrots, potatoes. That's the very first course. And then there was probably something like a potato on the side. I remember it was delicious. It was good to remember that in France you have the main course at lunchtime. Yes. And then in the evening you eat much lighter, like she was saying, having a soup or yogurt. Leftovers. Mm-hmm. Okay. So we were going out to the Quartier Saint-Paul, which is a very, very old one. We happened to see the walls of some of the original walls of Paris there. I'd never seen that in that neighborhood. Had you all seen those walls? No. And also, that's where I found the shop where they sell pâté. It's pâté right de by, foie gras. Right there by, dans le Marais, like Saint-Paul and then the Marais. I think it's right next to there, it's right? Yes, near the market. Mm-hmm. No, I've seen this where at the Arène de Lutèce. There are some. Oh, that's on the 5th. Yeah, on right the other that's side. On the other side of the river. Right. There. That's where you also have old, very old. Yes. Oh, yeah. Yes. People don't think about that enough. That when you go to Paris, it was inhabited by the Romans tribe called the Parisi, and they had. The city was called Lutèce. Lutèce, yeah. Lutèce was the original. The gladiator arena. Where you can still go see the gladiator arena, and you have some people playing pétanque, some bocce. Pétanque, yes, that's right. Well, just recently they were going to make a parking lot in front of Notre Dame, and they started digging underneath, and they found an extremely ancient Roman city. And of course, the parking lot was forgotten because this was something really precious. And you can visit that. You can go down underground and visit this thousands of year old Roman city. Amazing. That they dug up. Yes. And nearby too, let's see, on the Boulmiche, there are some other Roman, I forgot what Cluny, they were. Cluny, isn't there a cloister? Cluny? Yeah, right. Which also has. Cluny. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. A cloister, and they have Roman ruins there at and Cluny, and right on the Boulevard Saint-Michel. Saved heads on parts of statues that were crushed under the Henry Revolution. Mm. Oh, really? No, I've never seen that. Let's have some announcements, and we'll be right back to this. Proud to sponsor Pochanga, the Twin Cities Latino Music and Culture Party. Live music, DJs, visual art, and vendors brought to you by Radio Pocho and El Huateque, Friday, May 27th at 10 p.m. at the Bedlam Lower Town Theater, featuring a live performance from the Los Angeles Afro-Latino dance band Buyepongo and Chicago DJs The Ponderers. For ticket information, visit bedlamtheater.org. Soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, oui, oui, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va les plus fins, et je chante sur mon chemin. Alors, ce soir, nous sommes à Saint-Leu-la-Forêt, à la maison de Philippe de Maria. Alors, c'est une très belle maison, et malgré la pluie, je suis contente d'être ici. Alors, bonsoir, Philippe. Bien, bonsoir, Carole. Ben, moi, ça me fait grand plaisir de t'accueillir ici. Donc, à Saint-Leu-la-Forêt, petite ville au nord de, nord-ouest de Paris, où j'habite depuis maintenant 25 ans à peu près. Moi, je travaille pas très loin d'ici, dans un collège. J'enseigne la musique, j'ai des enfants entre 11 et 15 ans. Beaucoup de classes, 18 classes, de 33 élèves chacun, ça fait presque 600 élèves. Alors, voilà, nous faisons de la musique, donc on joue de la flûte, on chante des chansons, on écoute beaucoup de choses un petit peu variées pour leur faire découvrir beaucoup de choses. Et voilà à quoi se passe mon activité salariale. Sinon, j'ai pas mal d'autres passions, je fais de la guitare, et puis j'écris des livres aussi. Voilà. Ah oui, ça c'est nouveau. Alors, je m'intéresse beaucoup à cela, je crois que les auditeurs aussi. Parle-nous un peu des livres. Alors, les livres que j'écris, c'est relativement varié. Si on veut, j'ai écrit deux recueils de nouvelles, donc des petits textes de quelques pages, aux thèmes très variés. Et j'ai écrit également deux romans mystère jeunesse, pour les plus jeunes, avec des histoires de détectives. C'est quatre enfants qui font un peu les détectives et qui ont des enquêtes comme ça à mener, etc. Alors l'une d'entre elles se passe dans la ville où j'habite, c'est Saint-Leu-la-Forêt, et puis l'autre se passe à Auvers-sur-Oise, la fameuse ville où habitait Van Gogh à la fin de sa vie. Ah oui, ah ben ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a de l'influence là-dessus dans ton œuvre? Alors l'influence, ça reprend un petit peu une collection qui était connue, qui s'appelait Le Club des Cinq. C'est des romans jeunesse assez connus, donc ça reprend un petit peu ça. Et puis sinon, l'idée, c'est de raconter un petit peu ce qui se passe dans le coin, dans le Val d'Oise. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu ne travailles pas très longtemps, que tu es prête à la retraite? Alors, bon, je vais avoir 60 ans à la fin de l'année, j'ai peut-être encore 3-4 ans à faire. Et puis après, bah, je pourrais me consacrer enfin à faire que de la guitare et que de l'écriture. Et là, ça sera génial. Tu as été aux États-Unis plusieurs fois, non? Oui, je suis allé deux fois aux États-Unis, donc une fois en 1973, ça remonte à pas mal d'années, j'étais tout jeune. Et puis je suis retourné 6 ans plus tard, en 1979, avec une amie. Et là, nous avons traversé une grande partie des États-Unis en autostop, en voiture, et on a pu se régaler des paysages absolument extraordinaires. Et puis de découvrir une population très, très, très variée, à vos mœurs variées, et très souvent, très, très souvent, très hospitalière. On était des gens qui nous prenaient en stop, souvent nous invitaient à dîner le soir. C'était vraiment, vraiment très, des gens très gentils. Hein. Très intéressant. Et tu as une famille, Philippe? La famille, tu veux nous en parler un peu? Alors j'ai deux grands-enfants. J'ai une fille qui a 24 ans qui vient de finir ses études pour être orthophoniste. Donc elle va aider à soigner les gens qui ont des problèmes de langage. Et puis j'ai un garçon qui a 17 ans, qui est passionné de musique et qui sera peut-être musicien dans quelques années. Ah, voilà. Très bien. Mmh. Alors c'était vraiment un plaisir de parler avec toi ce soir. Peut-être tu vas revenir aux États-Unis un de ces jours. Ah, sûrement, j'aimerais bien. En tout cas, merci beaucoup de toutes ces questions, puis merci de la visite. Hein. Au revoir. Au revoir. De la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur, message à quête, plie boutique, et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout.

Can I la racaille? Racaille is more. It's more criminal, isn't it? Less, I think. Less? Oh, then can I? Yeah, racaille is just some kind of a the flotsam of society of life, but they're not necessarily criminal or anything. Mm-hmm. Whereas canaille can be. So she sings really what Paris offers at night, and then the next one, and that was very. I mean, the rendition was really staccato and kind of adapt to this kind of. Mindset of a canaille. And then we heard a more traditional rendition by Greco, in which she then sings the same thing, but much less, based on canaille. And it's a more sweeter song. I mean, lovable canailles. A word about the second interview was with Philippe Di Maria, who is the son of Suzanne. They both speak excellent French, and I hope you all understood that. Philippe lives in the suburbs, Saint-Leu-la-Forêt, and has a nice home. It's a lovely separate home. I had never seen anything quite that nice out there, but a very lovely place where his two children, too. I don't know if Anne is out yet or not. She's just becoming a speech therapist. But Philippe, the interesting thing about him, started out as a musician, and he went back to school. He didn't go straight through, took a year or two off, and then he became a teacher of music and highly successful. He decided that he'd wanted to write some books for young people. So he's written several very good mysteries. Hmm. And perhaps we can bring those in and read a little bit en français. That would be exciting. For those about a group of young people who are detectives and they chase all kinds of mysteries down. Kind of in the spirit of what's the American counterpart of that? Some so-and-so girls. Oh. What, like Nancy Drew or the Hardy Boys? Yeah, more or less. That was quite five quite of them. Back. Something the Five. He said that they were. Okay. The name of them was the Something Five. Mm. He is planning a book for adults now too. Oh yeah. To write something not just for young people but for adults also. He's been many times to America and he stressed how welcome he felt, even doing a autostop. Hitchhiking. And. Hitchhiking clear across the country and surprised at how welcoming the people were. Sometimes they'd invite them in for dinner and after all day and just very open and friendly. So that's just wonderful. That's good to hear. Mm-hmm. Let's have some announcements and we'll get right back to some music. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. Oh. Do we have some new songs from France? We have new songs from RFI, mm-hmm. And these the first. This is their program called 100% Français, and it's a program that actually is collected and presented by Anne-Marie Harbert from RFI, and the two first songs are by Massia, Grand Huit, and Avril. And Massia is a coming star. She is these songs come from her album Grand Amour, and she is very much in vogue right now in Paris. She had lines to François Hardy, and I mean, meaning in style and so on. And then in the new album, she worked with the singer Catel and Marc Chouaret to accompany her. It's a very, what should I say? Well, you'll hear the songs there. Not rock and roll or yeah, yeah. So here we go. On y va. Dans un grand château noir, matin et soir, le grand 8. Je ne vois pas de suite, je ne vois pas d'été. De ces touches en ivoire, je te dédie cette fuite. Je veux me revenir, je veux te retrouver. Je voudrais tout te dire, je pourrais tout avouer. Je n'ai rien à cacher, je n'ai plus à me fuir. Lasse de me suffire, j'ai manqué de volonté. Je me retrouverai pour mieux te revenir. Pour la première fois, je m'ennuie, c'est insensé. Mais quoi de surprenant, pour la première fois, j'aime. D'une vie qui serait aussi la tienne. Dans le halo sans voix de cette chambre à coucher, je me défais de tout, je fais vœu de courage. Une photo de toi que je ne peux décoller. Comment me rassembler, comment tourner les pages. Ressemble à la mienne serait en partance. Une chaîne, une alliance, une blessure lointaine, une phrase oubliée qui me divise en deux et n'en vaut pas la peine. sais plus, je ne sais plus où est passé le sens. Je ne sais plus, je ne veux plus de cette différence qui s'est mise entre nous. Alors voilà, on écoute de nouvelles chansons qui viennent de France RFI, Radio France Internationale, par une artiste qui s'appelle Messia. La première chanson était Grand 8 et la deuxième c'était Avril. Alors, paraît qu'elle a beaucoup de succès maintenant, non? Top of the charts, you said. Ah bon, très belle voix. J'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de la fête des mères? Oh, I wanted to, last week, we didn't mention that the fête des mères, Mother's Day, is actually in French le 19 mai, so this coming dimanche, this Sunday. And what I wanted to say is that le fête des mères en Suisse, au Québec et en Belgique, c'est le même qu'aux États-Unis, mais soit trois semaines avant la France. La France va être à la fin de la semaine, même si les différentes festivités autour du thème de la mer existent depuis l'Antiquité, il a fallu attendre jusqu'au 16e siècle pour qu'une date de la fête des mers soit reconnue chaque année. L'origine de la fête des mères. Dans la Grèce antique, on fêtait Rhea, la déesse de la maternité, et chez les Romains, on rendait hommage à la déesse Matralia. La fête des mères, telle qu'elle se déroule aujourd'hui en Amérique et dans certains pays d'Europe, a débuté avec le Mothering Day en Angleterre, puis aux États-Unis. C'est pendant la Première Guerre mondiale que les soldats américains propagèrent cette aimable tradition en Europe. En France, c'est surtout à compter de 1950 que fut instaurée une date de la fête des mères de manière officielle. La fête des mères en 2016 aura lieu au dernier dimanche de mai. Voilà, la fête des mères coming up. So don't forget to send French mothers the chocolat. Yes, only if you've forgotten to send your mother here a and then you can just simply write it in French and say, well, look, it's on your own. Very good. Very good. Très bien. C'est l'heure. C'est l'heure, oui. Well, il est 19h, ici à Minneapolis-Saint-Paul. Et vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM. J'ai mal parlé. C'est Minneapolis. Pas 19h. Il est 21h. Oh, c'est ça. Pardon. Oui. Et vous écoutez le programme que vous entendez. Et bonjour, Minnesota. Et c'est la Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul. Radio without boundaries. And the program we present is Bonjour, Minnesota. All right. If you like to call... comments or anything or c'est just très bien. Rate us, it's 612-341-0980. While the music is playing, give us a call, let us know what you think, what you'd like to hear, and we have some more music, new music from France. We have more music from what's France. What's next? Oh, beaucoup, beaucoup, yep. Beaucoup de choses. Which is the next song on the list. RFI, oh. Qu'est-ce qu'il y a, mm-hmm. Radio après, France. Il y aura Liane Folie. J'aime regarder les filles. Mm-hmm. Et Françoise Breu, à pic. On y va. Sur la plage, sur leur peau le soleil caresse bien trop sage, le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, les hanches qui balancent et les sourires. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Leurs yeux qui se détournent quand tu les regardes. Regardez les filles qui marchent sur la plage, le soleil sur leur peau qui joue à cache-cache, et des ombres solaires, le parfum volage. Oh, j'aime les filles, les filles. Regardez les filles, regardez les filles. Regardez les filles, le soleil sur leur peau, les filles, leurs hanches qui balancent, leur poitrine gonflée. Les filles, regarder les filles. Le vent qui les décoiffe et les sourires fugaces. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles. Wow. Okay, well, you heard, one song was not so recent. Recent song, but the basic idea was not. I mean, Léon Folie in J'aime regarder les filles is... It seemed like a 1960s French song. Yes, and there have been a number of other people have been involved, I mean, have sung it. I mean, mm-hmm. Of course, Henri Salvador, he always liked to regarder les filles, and Jean Aubert, Léo Ferré, Eddie Mitchell, too, Johnny Hallyday. So this is in an old tradition, but it's mm-hmm. a very nice rendition. And the album actually is called La Crooneuse, the female crooner. Mm. So, and that's what she thinks she is, or wants to think. And the other one was François Breu. Françoise? No, Françoise. The spelling is François, O-I. Z, comme zèbre. Mm-hmm. Je crois que c'est une fille, hein? Oui, c'est une fille. Et son album, c'est Zou. Et am I speaking? Chanson English. S'appelle A Pic de Zou. And the song is called A Pic, and it means something, the heights or the summit. The summit. And then in the song, she sings about how they are moving up and going uphill and so on. But how infinite everything is. There's no limits. Illimité, kept saying. Yeah, but the thing is, all these songs now have a timbre and poetic, both words as well as the music is very adapt to that. Mm-hmm. And so it's some departure from some of the rock and roll and rap that was prevalent. I mean, the last 5 years or 10 years. I mean, before, yeah. It's a special ambient sound. What's up next? Should we have some announcements from the audience? Any exciting things? Oh, what do you have? Well, okay, I have something that is kind of, funny now, but wasn't funny for the persons involved at the time. We have a correspondent in Switzerland who comes up with very nice and interesting and funny comments. And he says, les Français vénèrent une femme, pucelle prétend-on. Ce qui est une prouesse dans un pays où dont les politiques sont souvent des chauds de lapin. La femme, c'est Jeanne d'Arc, 1412 à 1431, dont on commémore aujourd'hui le 585e anniversaire de sa condamnation à mort pour hérésie par un évêque, Pierre Cochon, allié des Anglais, dont le nom passe dans l'histoire de France au titre de salope de première catégorie. Jeanne la Bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. François Villon a un poème là-dessus. Elle avait été livrée aux Anglais qui s'occupaient alors le nord-est de la France, contre rançon par le Bourguignon. Elle fut brûlée vive sur un bûcher le 30 mai suivant. Bon, ça, fin de l'histoire, triste. Mais... toujours avec Bernard, toujours présenté d'une façon pleine d'esprit. Et Dana, tu as dit que toi, tu as vu aussi Rouen et tout ce qu'il y avait, une statue, une très belle statue de Jeanne d'Arc. Je pensais que ce sera Rouen plus monumental quand même. C'était un peu pas... C'était pas beaucoup... C'était pas très grande, j'imagine. Non. J'imaginais quelque chose... grande et... Non, une statue de Jeanne d'Arc. Mm-hmm, à la place. Entourée de fleurs. Mm-hmm. Il y a des cafés autour et c'est une place publique. Oui. But it wasn't the Joan of Arc Memorial was not as monumental as I thought it would have been. Well, no, but also in Paris, she is... There's a gold gilded statue of her mm-hmm. on a horse in the Louvre district. Oh. And that's also is very small. When you see it, you wonder. I mean, it's small. I mean, mm-hmm. not as large as it could not have as been. Large and not as large as felt. Hermann the German in, right. in New Ulm or some of these monumental statues. Yes. Mm. Oh, well. Hello. Qu'est-ce qui se passe? What's going on around town? Il y a quelques annonces ici. Mm-hmm. Well, there was the big gala of the Alliance Française, which was a huge success. And the all the money went for the Alliance Française. And this week, tonight, even, Mary Wingard, an author who wrote North Country, The Making of Minnesota, spoke at the Alliance. We'll do our best to see about getting her on the air. She writes quite a way about her history of French and Indian hybrid culture, and the way it influenced Minnesota is intricate, taking into account the interests of all who were present in this history. Spring Member Drive is coming up. They have a goal of 1,200 members right now. There are some 1,000 people who run the Alliance and are members. And there are so many activities going on every day at the Alliance. So members, if you are interested in joining the Alliance Française, you can go online at Alliance Française at msp.org, I believe it is. Is that correct? You can receive with that free or reduced price admission to the events, and with every membership, you receive 2 vouchers for free admission to any event hosted at the building. For those of you not native French, the DELF test is coming up for adults, the Diplôme d'études en langue française, official qualification awarded by the French Ministry of Education to certify French language competency for non-native French speakers. This is valid for life. Registration is open through May 25th. That's not too far. The test will take place at the Alliance June 6th through 9th. Summer class registration is open online. Wonderful selection of classes. I'll tell you a little bit about that later. Another thing going on is the Club Vélo Retrouve les Pistes Cyclables. This is a biking club that meets and quite active. If you like to bike and you'd like to improve your French, get with them. There's a survey online due by May 23rd. Well, I'm sure they'll still take it. Also coming up at the Alliance, Marché aux Puces Flea Market on Saturday, June 18th, is going to be in the big room at the Alliance. They have lovely things there, too. I've found some real treasures. They're currently accepting donations of items to be included in the sale. Do you have gently used furniture, posters, clothing? Contact Sylvie to arrange drop off at the Alliance Française. Très bien. That is June 18th. Events that are coming up: Yoga en Français with the Jeune Cadre Dynamique, the Young People's Group. Saturday, June 4th, from 4:30 to 7:30 p.m. The Alliance Française and the Yoga Center of Minneapolis are going to pair up to present Vinyasa Yoga en Français. At 4:30, meet at the Yoga Center for tea and relaxation time before the class. At 5, the class begins with one of their certified French-speaking instructors. 6:30, head to Tangiers for drinks and social time. If there is a cost, we aren't allowed to save prices here on the air, but you can call us and I'll tell you that if you want need to know. Summer classes are open for registration. There are intensive classes offered for 5 weeks in beginning and intermediate intensives and semi-intensive. That's something new. I guess that's where you listen to French and then you go sit down holding your head. 3 and 5 week classes are meeting. If you can't really do the 10 week classes, there's Un mois avec Colette, Mondays in August, La gastronomie et la culture française with Deborah on Thursday in July, French for Travelers Tuesday from 6 to 8 on several days. Saturdays they will have, it's the same thing, French for Travelers. 1 day workshops, 3 hours in French, and this sounds great. Pâtisserie 101, éclair and ami, it's called. Mm. So you get to make the éclair yourself, learn how to make éclairs while speaking French. And you can eat them yourself, too. And you get to eat them. Yeah, that's the best part. And the other class is Bienvenue en Suisse Romande, Saturday, July 9th from 1 to 4. Oh, have you ever seen the printed frosting at Fauchon? You know, do you know Fauchon? No, the, you've been to Fauchon, yes. So it's a fancy store. Tell our listeners what Fauchon is. Fauchon is a traiteur, so they do catering, and you can go and buy fancy meals or little tiny. There's this jelly that you can get that's. This jam is, they use the quills from porcupines to suck the jam out of these berries, and it's fantastic. It's very expensive. But at Fauchon, they sell éclairs with Brigitte Bardot imprinted on the éclair. Everything's incredible there. I remember I had to return a foie gras dish after Christmas time for one of my bosses, and the deposit on the little tiny porcelain pot of foie gras was $50. You know, it was 250 francs at the time to return it to get the deposit back for the little petit pot de foie gras. Fantastic. So, how much was it with the foie gras? With the foie gras, it was probably another $100. You could find almost any dish in the world there, anything. Oh, yeah, just blow your mind out looking at their caviar selection. But, yeah, Fauchon, oh, how do we get on that topic? Éclair. The cool d'éclair. So, what was the other thing that you make? Pâtisserie? Pâtisserie. And éclair. It is a me. 101 éclairs. What's your favorite pastry? French pastry, of course. I really like a croissant aux amandes. And, you know, or millefeuille. Napoléon. Moi, j'adore. Millefeuille. Napoléon. Oui. Millefeuille. Millefeuille. Millefeuille. That's a good one. They call Napoleons here. Moi, j'adore les palmiers. C'est croquant. Oh, c'est bon. Some people call them elephant ears here. Those big, yeah, flat elephant ears. Mm-hmm. Yeah. Well. And, there's some very funny names for pastry, too. The one that I laughed at was Pet de Non. De Non. And we won't translate that. No, here. Let me have an announcement and we'll get right back to the music. Okay. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the South Side and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. A couple more? Uh-huh. This might be fun for everybody. The ABCs of Brandy and Cheese Tasting. Mm. It's a shop in the Mall of America on June 9th from 6 to 7 p.m. Visit FAMFAS at the Mall of America. Now that means out of the barrel, I think. In German, FAMFAS. My pronunciation is so poor. It's out of the barrel or something. Well, you can go there yeah. and directly. Taste brandy and cheese. Brandy is not ever had with meals, but sometimes you might have it. I don't know, though, with cheese, I don't think... Le Trou Normand, but you, even if you were to have Le Trou... That's not at the end. You don't have the cheese with the... Well, Le Trou Normand is, it's really, you can't consider it to accompany. No. It's between... The brandy should be the If you're really between two big courses of... And you're already full for the first one. You need a Trou Normand to get your digestion back in shape. But it's not like accompanying anything like wine does. You know, I brandy guess... Brandy is at the end. Yeah, the digestif. After the cheese. Nobody has it as an aperitif, really, do they? Or, you have it at the end. It's digestif. Yeah. Digestif. You know, what it reminds me of is, even though I don't drink anymore, but les vins de Jura. Have you ever had the vins de Jura and how sweet and liquory they are? Yes. And they really lend themselves to cheese and walnuts. Mm-hmm. Hmm. So I'm thinking that brandy might be, it could be good with a really like hard cheese, you know. Olaf is not looking like... I mean, it's wine with it, but not brandy with... They're having a workshop here. They have to go back to my Scandinavian roots. Gravlax and Aquavit, goes together. Gravlax and Aquavit, which is more But I mean, that's... French, like the French would shudder if they... That's more like vodka-like... White lightning. Yeah. Mm-hmm. Aquavit and some, it? Crayfish. Crawdads. Okay. But not the same. Oh, anyway, the store called Femme Fasse is having a workshop on cheese and brandy June 9th from 6 to 7 at the Mall of America. Also, the last announcement, I believe, is day trip to Henderson, Minnesota with the French American Heritage Foundation on June 18th. They'll have a bus, everything set up for you. You'll learn all about Dr. Hippolyte Seigneuret, a Minnesota territorial pioneer, a physician, a surgeon, and also an exiled French revolutionary. Hmm. And that's House of Music here. Oh, what do we have next? On the list. Well, we have Eddie Lagoudiache, Ta Main de Fer, and Irène Jacob en japonais. Ta main de fer dans ton gant de manière de faire et de défaire l'amour et de défaire l'amour. Tu fracasses tout ce qui passe, casse, écrase et caresse mon visage. Tu fracasses tout ce qui passe, casse, écrase et tu tournes la page. Des chaînes ou des ailes. Tourne la page. du ciel bleu, ton visage changé par le japonais. Tu me parles un étrange langage, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est un subtil message, quelques mots à contre-jour. Il ne manque que le sous-titrage. Qu'est-ce que tu dis, mon amour? J'inventerai ce dictionnaire indispensable pour une amante. De sens caché, d'une grammaire aux conjugaisons troublantes. Entendant ton vocabulaire, les racines venues d'ailleurs. Les étymologies contraires, la phonétique de ton cœur. Donner un sens au babillage, à l'éternel malentendu. Aux légers enfantillages, aux petits sous-entendus. Chercher, trouver le message des mots obscurs, n'entendre plus. Près les lèvres sur ton visage, retrouver le temps perdu. Je saurais prendre à rebours, entendre nuit quand tu dis jour. Et me rendre dans tes replis, chercher dans tes noms un oui. Donner un sens au babillage, à l'éternel malentendu. Aux légers enfantillages, aux petits sous-entendus. Chercher, trouver le message, des mots obscurs n'entendre plus. Coller les lèvres sur ton visage et retrouver. Le temps perdu. C'était quoi ça? What was that? Japonais? En japonais? What are we listening to? Bon, d'abord, il y avait... c'est le titre. Mm-hmm. Eddie Lagouyach, who was has an album out, Beau Rivage, and he sings about, his song was Ta Main de Fer, Your Iron Fist, and the whole thing goes about how they can smash things as they go along if they feel that they are against them or if they don't like it. They just, the music was not as belligerent as the words. Irène Jacob, en japonais, in Japanese, she sings about, she's a Swiss, Franco-Swiss actress, has worked in a trilogy, which is Bleu, Blanc, Rouge. And she was one of the actresses there. Now she's into music, and the song was from the album Je sais nager, I know how to swim, and it's in the background you heard the music was kind of, well, it wasn't Japanese, but I mean it had Japanese accents. Mm-hmm. Mm. L'instrument à cordes, là. Et c'était son frère, Francis Jacob, qui était avec elle, qui chantait. Oh, that's nice. Nice collaboration. Let's have an announcement, and we'll get right back to the music. KFAI is supported by the St. Paul Saints, celebrating their second season at CHS Field in Lowertown, St. Paul. Tickets and information available online at saintsbaseball.com. Les prochaines chansons, qu'est-ce qu'on a? Tu loues with Le Tigre Voyageur, suivi par Orwell. On y va. sa force dans le temps. Quand il suivait la nuit, invisible et serein, solitaire et sans bruit, son mystérieux chemin. Mais lorsque tu t'endors, dans le froid qui t'étreint, tu le sens sur ton sein. Par une si grande ombre cachée, Well, we were witness to two songs that kind of slightly monotone. The first one, Tu loup, le tigre voyageur. Tu loup means the wolf killer, and the tiger's voyage. Well, you'd expect something much more discordant and screaming than what the actual very low key rendition was. The second one was Orwell in La Vie Electronique, the electric life, and he, again, very, very, very laid back, sings about how he always drifts towards the chimera, how he drifts towards the light, the electricity, and so on. So these were some of the more laid back ambiance songs, mm-hmm. if not to say monotone. What do we have? What's up next? Next we would have Yeli Yeli, Terre de mon poème, and Anne Cardona, Tuer le temps. Programming is supported by AMPRS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPRS.org. AMPRS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPRS.org. AMPRS, diverse radio for Minnesota's communities. Seulement un peu honte.

Kiabwe, au-delà de Zareba, la même attitude. J'ai regardé le Gange, un serpent d'ordure, la vision se change. L'atmosphère qui empeste l'ultime vérité, au bout du lest. Well, of the three songs that we heard, Yeli Yeli is maybe the most interesting. It's a song based on songs the artist heard as a child from Kabylie. This is the North African stretch of country that is inhabited by Berbers, and they have their own language. And she couldn't understand her mother singing, but she had the rhythm. So this is kind of an interesting comment. Song. Well, we're closing off with Caravan Palace, which will be here at the Skyway Theater on Friday, June 17th at 9 p.m., a Parisian seven-piece electronic big band. Oh, and just au before... Au revoir, tout le monde. Wanted to mention that we had the song Anne Cardona, Tu es le temps, and Merzin La Planète, just before we have Caravan Palace. Here we go. And this song is titled Je m'amuse. It's invoke some Django Reinhardt. Here we go. À la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit. À la semaine prochaine. Bonne nuit. Bonne nuit, Caril. Bonne nuit. Tena. Bonne nuit.